Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Punk, Génération, No Future, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Assia Khalid. Au départ de cette série, il y a des souvenirs d'adolescence et d'ennui dans les années 70 et l'espoir de voir quelque chose céder ou au moins juste se passer. Et il y a le courant d'air frais fabuleux qu'ont été les riffs de guitare saturés et les voix cassées, et puis cette question de savoir ce que voulaient les punks. Alors pour commencer, les personnages. Une dame de fer de retour, un documentariste qui se souvient, un ancien irréductible, un infirmier face au clash, des filles féministes et une activiste, une artiste du détournement, un chanteur fou de rage, une chanteuse par hasard, des musiciens improvisés et des filles sur scène. Ensuite, le décor. L'anarchie, le dadaïsme, l'Angleterre en crise, la trahison des stars, des crêtes, l'énergie du désespoir, le peace and love, de la batterie, une ferme dans l'Essex, des communautés, la menace nucléaire, le féminisme, la guerre des Malouines et une sensation d'échec. Aujourd'hui, deuxième épisode, on écoute un revenant. La définition du punk, c'est ouais. Steve Ignorant. Ouais, t'as peut-être l'air bizarre. Tu parles peut-être de manière bizarre. Peut-être que tu vas te bagarrer parce qu'un connard dans le pub commence à dire des trucs racistes. Bah, je continuerai de réagir comme ça. Le punk, c'est tu te connais. Le punk, c'est t'abandonnes jamais, tu te bats. Je sais que je vais perdre, mais j'essaye quand même. Je vais jamais m'arrêter, jamais m'arrêter. C'est ça le punk, c'est ça le punk. Réveille-toi, réveille-toi. Réfléchis pour toi-même, ne sois pas d'accord. Je suis pas d'accord avec plein de trucs, je serai jamais d'accord. 4 mai 1979, Margaret Thatcher devient Premier ministre du Royaume-Uni. Mrs. Thatcher, how do you feel at this moment? Very excited, très motivée, consciente des responsabilités qui m'incombent. Sa Majesté la Reine m'a demandé de former une nouvelle administration gouvernementale et je sais pleinement quelles sont les responsabilités qui m'attendent alors que j'occupe le numéro 10 et j'aimerais me souvenir de ces mots de Saint François d'Assise que je pense être adaptés particulièrement à ce moment. Là où règne la discorde, nous amènerons l'harmonie. Où règne l'erreur, nous ramènerons la vérité. Où règne le doute, nous ramènerons la foi. Où règne le désespoir, nous ramènerons l'espoir. Punk, Génération No Future, Crass, Retour aux fondamentaux. Par Assia Khalid et Alain Lefkovitch. C'était le temps de mes premières colonies de vacances à Corvol-l'Orgueilleux dans la Nièvre. Il y avait ceux qui portaient des Stan Smiths, qui écoutaient Téléphone et Michel Jonas, Supertramp et Dire Straits. Et puis il y avait mon copain Emmanuel et moi, totalement subjugués par les hurlements énervés de Steve Ignorant, les mélodies dissonantes, les vocalises et les poèmes de Joy de Vivre et Dave Libertine. On découvrait Crass, des anarcho-punks anglais, constitués en collectif fondé par l'artiste libertaire G. Butcher, féministe radical, et Penny Rimbaud, écrivain, poète, peintre, musicien, philosophe, et membre du mouvement Fluxus avec Yoko Ono, un apôtre du bohémisme. Leur credo, le protest art, cynisme, surréalisme, anarchisme et pacifisme, utilisant le détournement, le collage, la vidéo et le graffiti. Les pochettes de leurs albums étaient de véritables professions de foi, violents pamphlets et manifestes, appelant à l'action directe, revendiquant le droit des animaux, prenant l'antifascisme, l'écologie et le féminisme. Mais ça, nous, à l'époque, on n'y comprenait rien. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on prenait un risque. Celui d'être pris pour un skin, en arborant le logo de Crass mêlant les emblèmes de l'autorité, comme le crucifix, l'Union Jack, la svastika, ou l'ancien symbole représentant un serpent qui se mange la queue. Ça faisait de nous des subversifs originaux. En plus du No Future, on avait Punk is Dead, de Crass, une dénonciation sans concession des stars du punk, devenues des icônes d'une nouvelle élite sociale. Leur premier album, The Feeling of the 5000, marque la renaissance d'un mouvement en déliquescence. Le punk était mort, Crass allait le ressusciter. Gerard Evans, ancien punk, journaliste, écrivain et biographe du groupe anarcho-punk Crass. I think it was a cry for help. Je crois que c'était un appel à l'aide, ce cri. Punk is dead. On pourrait le comparer à quand les Pistols ont chanté No Future. Et Penny Rambo a réagi en disant, nous pensions qu'il y avait un avenir si nous l'avions créé. Et je crois que Punk is dead, c'est la même chose. C'est-à-dire, le punk est mort à moins que nous fassions quelque chose. Ben, c'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. C'était une espèce de truc. C'est pas un peu comme Dada, de dire le contraire de la vérité. Une espèce de façon bizarre de le souligner. Steve Ignorant, chanteur et cofondateur de Crass en 1977. Tu pouvais aller à King's Road, à Londres, et puis ils étaient là, les Iroquois, les punks parfaitement mis, en train de prendre la pose, en train de se faire photographier par des touristes américains. Mais c'est pas ça le punk. Avant, on fabriquait nos propres vêtements. Maintenant, tu pouvais acheter des vêtements punk partout. Et c'était pas ça le punk. Et tout ce truc, les Clash, ils ont signé avec EMI ou CBS, les Sex Pistols étaient partis en Amérique, ils n'étaient pas revenus, Generation X était séparé, Billy Idol était parti à Los Angeles. Non, c'était fini. Tout ça, c'était fini. Et c'est un peu comme quand tu dis « le roi est mort, vive le roi ». Bah ouais, punk is dead, vive le punk, parce que ça a continué, c'était encore mieux qu'avant. Les gens ont dit que c'était la seconde vague. Non, c'était pas, c'était juste qu'on a trouvé notre voix. Et qu'est-ce qu'on a gueulé ? Crass a vraiment explosé en 1979, c'est là où ils sont vraiment devenus très connus. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait plein de punks, de plus en plus de punks. Encore une fois, selon l'histoire du punk, la fin du punk, c'est 1977. Mais bon, à Londres, en 78, 79, 80, il y avait de plus en plus de punks. Mais les groupes importants, se séparaient, comme les Sex Pistols, ou devenaient plus mainstream, comme le Clash. Donc il y avait vraiment un petit manque, il y avait un petit trou quelque part. Moi, j'étais très inquiet. Je me demandais qu'est-ce que j'allais devenir. Bon, me voici avec mes cheveux teints, etc., etc. Et puis tout ça autour de moi, on dirait que c'est en train de mourir. J'ai commencé vraiment presque à paniquer. Qu'est-ce que je vais devenir ? Et c'était comme ça partout dans le pays tout entier. Et puis tout d'un coup, Feeding of the 5000 sort l'album, ou plutôt le single. Et moi, je l'ai vu dans la presse spécialisée. Il y avait genre 12 titres pour deux livres. Et puis tu voyais la photo de l'album, donc il y avait le signe de l'anarchie. À part Malcolm McLaren, personne n'avait vraiment fait ça. Et puis, alors là, eux, ils ont vraiment comblé un... Il y avait un manque, et puis ils l'ont vraiment comblé de manière presque capitaliste. On avait vraiment besoin d'un groupe intègre. Leur intégrité était tellement importante dès le début. Et chaque chanson, c'était fuck, fuck, fuck, fuck. On se dit, mais ça va pas être mainstream avec un langage pareil. Et puis leurs idées étaient très radicales. Et à notre côté, assez incroyable, je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est la ruralité. Et l'image, enfin la couverture du disque, c'était juste la campagne. Jusque-là, le punk, c'était sur les villes, les centres-villes, les tours, Ramones, Clash, Pistols, tout ça. C'était vraiment la ville, c'était très, très citadin. Et Crass, tout d'un coup, ils ont complètement changé ça. Tout d'un coup, tu voyais la campagne, quoi, couverture du disque. C'était quelque chose de totalement stimulant et étrange. Et puis aussi, il faut dire que le graphisme était vraiment étonnant. Les chansons étaient formidables aussi. Band from the Roxy, pour moi, c'est vraiment une chanson étonnante. Do they owe us a living? Punk is dead. J'ai toujours été un peu... je trouvais bizarre. Je comprends pas pourquoi ils disaient du mal des autres groupes de rock quand il y avait vraiment de vrais ennemis. Moi, j'avais rien contre les Pistols, les Clash. J'étais déçu des Clash quand ils ont fait London Calling. J'étais déçu de leur musique et du côté l'américanisation. Mais ils n'étaient jamais l'ennemi quand même, c'est ridicule. Mais bon, ces chansons, General Bacardi aussi, je trouvais que c'était une chanson incroyable. Vraiment toutes formidables. Back from the Roxy, okay, I never must apply in there anyway. Said I only wanted well behaved boys. Do they think a dozen microphones are just fucking toys? Fuck them, chosen to make my stand against what I feel is wrong with this land. Just sit there on their other fed asses, feeding off the sweat of less fortunate class. Did they fucking power, cut their fingers on a band. Got control, won't let it be forgotten. Why did you create? Pourquoi avoir fondé Crass? C'est Steve qui voulait. Steve est arrivé, il était très en colère, très déçu. Il avait vu un groupe punk, il avait vu Clash, je ne sais où. Et il a voulu monter son propre groupe. Moi, j'avais une batterie, il est arrivé ici. Et puis, comme je disais plus tôt, bon, ben, ça s'est passé comme ça. J'ai dit, bon, ben, je jouerai de la batterie. Ses copains ne voulaient pas jouer de la batterie. Lui, il venait d'un quartier vraiment prolo de Londres. Et il trouvait qu'il était bête. Moi, je ne l'ai pas trouvé bête. J'ai trouvé ça marrant. Bon, ben faisons ça. Donc on l'a fait. Rien de plus que ça. Moi, j'habitais à Bristol à l'époque. Steve Ignorant. Et pour moi, le punk, c'était ce que j'avais vu à la télé. Je travaillais à l'hosto. Il y a une fille qui a débarqué. Elle s'était cassée le poignet, donc il fallait que je répare son poignet. J'ai dit, mais c'est quoi tes tifs là? Elle m'a dit, ah ben, punk. Et j'ai dit, c'est quoi le punk? Elle dit, ouais, Clash. Il y a un groupe qui s'appelle les Clash, ils jouent vendredi. T'as qu'à y aller. J'ai dit, et toi, tu y seras? Elle dit, ouais. Et j'ai dit, d'accord, on se retrouve là-bas. Je ne l'ai jamais retrouvé là-bas, mais j'ai vu les Clash. Et de voir ça après Bay City Rollers et la pop anglaise, c'était putain, un truc de dingue. Donc je me suis dit, moi, je veux faire ça. Bon, moi je connaissais Penny Rambo, je suis allé le voir. Il a dit, qu'est-ce que tu fous? Il dit, ben, je veux faire du punk. Je veux monter un groupe. Il dit, bon, j'ai une batterie, je jouerai de la batterie. J'ai dit, ok. Et les guitares alors? Non, ce sera juste batterie et voix. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Je me suis rendu compte assez vite qu'à Londres, eux, ils étaient chics, c'était des punks chics. Et nous, on était des ploucs, on était exclus parce qu'on vivait à la campagne. Et ça, je comprends pas. Pourquoi tu peux pas être fermier et punk? Pourtant, j'ai rencontré des gens Avec mon groupe, avec Crass, ils ne pouvaient pas s'acheter les fringues que tu trouves à sexe. Ils ne pouvaient pas, ils n'avaient pas le fric. Bon, moi, je ne critique pas. Mais c'était juste... c'était pas pour nous. Il a fallu qu'on trouve notre propre punk. Alors peut-être que c'était mal vu de vivre à la campagne parce que dans ce milieu du punk rock, ça rappelait les hippies et les communautés hippies. Well, I think that one thing that. Il y a un truc. Je crois que c'est John Lydon ou Johnny Rotten qui a dit, faut jamais faire confiance à un hippie. I understand it as a shock. Bon, moi je comprends. C'est de la provoque, c'est controversé. Mais bon, réfléchissons une seconde. Les hippies dans les années 60, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient des squats. On fait encore ça, on a des squats. Ils essayaient de vivre mieux, de vivre moins cher. Ils essayaient de faire tout ce que fait le punk. La seule différence, c'est le look. Mais à la fin du punk, avec tout ce que j'ai pu faire en criant, en beuglant, dans Crass, finalement, on dit, Steve, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi que tu veux? Eh bien, peace and love. Peace and love. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus de la vie? C'est ça, le punk. Et donc, pour les hippies, vivre à la campagne, c'était la même chose. But I fuck you like, but you're still on the road. I'm not gonna change the system. They're not gonna change the system. We're not gonna change the system. When I tell you, when I tell me, I'm not trying to patch it through. All the fashion to the fool. Can't go on a writing by the rule. Just as it's my game. Born a swimming vigorous. Feel a summer taste of. Feel a summer should rhyme up. Look at what you know. Just what have I got? Fuck all now. What have I got? Swimming pools, where do you get it? Follow the rules, system, system. Keep your fingers on the brush, stand and let us understand. Born a better tool to shoot. Na na na, na na na na na. Na na na na na. Na na na na. Pendant les 7 années où on a vécu ensemble, Penny Rimbaud, on était vraiment un groupe fluide de gens. Certains savaient faire une chose, d'autres savaient faire une autre chose. Eve Libertine a apporté à Crass une conscience féministe en tant que militante, issue de groupes même internationaux. Et ça venait vraiment d'elle. C'est vraiment une militante dans le sens classique, on va dire. Tandis que les deux autres, vraiment, elles s'étaient faites toutes seules. Et elles étaient féministes aussi. Tandis que Eve était vraiment militante. Donc les gens apportaient leurs propres idées, et parfois, elles étaient ensevelies par le groupe, mais bah, comme je disais, c'était très fluide, notre façon de faire. S'il y avait une idée que les gens n'aimaient pas, et bah, on le rejetait immédiatement. Quand Steve a débarqué, c'était juste un mec qui a débarqué. Il y a plein de mecs qui débarquent, plein de filles, plein d'hommes, plein de femmes, plein de gens débarquent. C'est comme ça que ça se passe. Et puis tout d'un coup, t'as un groupe ou t'as pas un groupe. Ou tu te retrouves avec quelque chose, ou peut-être juste tu te retrouves avec des gens en train de planter des pommes de terre dans un champ. Peu importe. I am no feeble Christ, not me. He hangs in glib delight upon his cross, above my body. Christ, forgive, forgive. I vomit for you, Jesus. Shit, forgive. Down now from your cross. Down now from your papal heights. From that churlish suicide, petulant child. Down from those pious heights, royal flag bearer, goat, Billy. I vomit for you. Forgive, shit he forgives. He hangs in crucified delight. Nailed to the extent of his vision, his cross, his manhood, violence, guilt, sin. Dalhouse. Dalhouse. Big old farmhouse. C'est une grande maison de ferme. Gerard Evans. Dans la campagne d'Essex. C'est assez éloigné de tout. Il y a un long chemin en terre. On a l'impression qu'il n'y a rien en bout avant d'y arriver. C'est une grande maison, plein de jardins, très bien entretenus, il y a des potagers. C'est vraiment le genre de communauté des années 60, retour aux terres, retour aux sources. Un peu comme les communautés qu'on a vues dans les années 60 en Amérique, etc. Quand Penny Rambo a trouvé ce lieu, c'était vraiment dans un état vraiment délabré. Ils l'ont transformé en lieu vraiment vivable. C'est un endroit ouvert, une maison ouverte, un centre vraiment pour la créativité. Les artistes, tous ceux qui sont créatifs sont vraiment attirés par ce lieu. Et ils vivent de manière vraiment alternative. Par exemple, ils ne verrouillent pas les portes. C'est plus facile de faire ça si tu es au milieu de nulle part. Hein. Plus facile que si tu es en ville. Mais en tout cas, ils ont vraiment créé un lieu très, très étonnant. Au début, Penny pensait qu'il y aurait plein d'endroits semblables dans le pays tout entier, que les gens passeraient d'une communauté à l'autre à pied. C'est vraiment un endroit étonnant et étrange, mais un endroit où il y a vraiment la paix. Tous ces endroits-là, ces communautés-là, c'était vraiment une idée, était toujours le moteur, un dogme, on va dire, végétarien, chrétien, etc. Je crois que Dial House, d'après ce que moi j'ai compris, était beaucoup moins formel, beaucoup moins rigide, on va dire. Ils étaient beaucoup plus libertaires. L'idée, c'était vraiment d'avoir un endroit libre pour des esprits libres et ouverts. Et je crois que c'est peut-être pour ça, justement, que ça a pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Quand tu penses aux communautés de l'époque dont tu parlais, elles n'ont pas survécu, ou bien elles sont devenues de plus en plus rigides, ou en tout cas, elles sont devenues autre chose que ce que le but originel avait été, et de manière assez négative, quand même. Pour moi, c'est vraiment étonnant qu'ils aient pu réussir à continuer pendant si longtemps. Vraiment, Dial House est absolument unique, il n'y a rien qui ressemble. J'avais toujours vécu avec mes parents dans une très très grande maison de riches, avec de grands jardins, de grandes pièces, plein d'espace. Et je me suis dit, je ne vais pas quitter ce lieu avant de trouver quelque chose de mieux. Et donc je me baladais un peu rêveusement, et puis finalement j'ai trouvé. Je voulais quelque part d'isoler, où je pourrais cultiver et m'exprimer, comme on ne peut pas le faire dans les villes où on est plus enfermé. Au début, je vivais avec quelques professeurs d'art, parce que moi-même j'étais professeur d'art, et puis j'en ai eu marre du professionnalisme. Et donc j'ai décidé que je tournerais le dos à tout ça. J'ai quitté ce boulot, mais je me suis pas un peu fait virer aussi. Et puis je suis rentré ici, puis j'ai dit aux deux autres, je vais enlever les verrous. J'ai pas envie de vivre avec des verrous. J'ai enlevé tous les verrous. Puis on va voir ce qui se passe. La première chose qui s'est passée, c'est que les deux autres profs m'ont dit, nous on se barre, hein, on va pas rester. On a envie d'avoir des verrous. Et puis on veut une liste pour établir à qui appartiennent tel cornflakes ou tel lit à telle personne attribuée. Et puis moi, je voulais pas vivre comme ça, donc ils se sont barrés, il n'y avait plus personne, il n'y avait que moi. C'était il y a 50 ans. Rien n'a été fait de manière délibéré, on va dire. Moi, ma philosophie a toujours été, la porte est ouverte, bienvenue, fais ce que tu as envie de faire, je vais rien te demander. Si tu n'as pas le bon sens, voir ce qu'il faut faire, je ne vais pas te le dire, je vais juste faire. They sell us love as divinity, when it's only a social obscenity. Underneath, they're all lovable. Je ne suis pas venue y faire quoi que ce soit. J'ai été élevée G. Voucher, à Londres, cofondatrice de Crass. Mais je crois que mon cœur appartient toujours à la campagne. C'était juste la campagne. Et je n'avais pas l'ambition de faire quoi que ce soit, juste d'être. Ça a évolué ensuite, mais je n'avais pas d'idée particulière, pas comme Penny. Je voulais juste la liberté d'être en plein air, à la campagne, et de faire le travail que j'avais envie de faire, que j'appellerais pas de l'art. Je crois pas que c'était une nouvelle identité, je crois qu'on avait tous quelque chose à apporter. On venait tous d'environnements différents. Moi, mon domaine d'expertise, c'était d'illustrer et de créer l'art visuel, et on me laissait faire ça toute seule. Le design des pochettes était quelque chose que Penny et moi, on faisait ensemble. Et évidemment, on voulait apporter autant d'informations que possible sur le papier le plus grand qu'on pouvait accepter. Donc évidemment, il fallait plier cette feuille de papier. Et on avait le plus d'espace possible pour partager nos idées. Alors c'était à la fois nouveau et différent puisque vous avez été les premiers à utiliser le détournement d'images, de publicités, de photos. C'est vrai, je ne sais pas trop, je travaillais comme je travaillais, c'est tout. Je pourrais dire que rien n'est trop évident ou trop brutal, il faut travailler. Tout est ouvert à l'interprétation la plupart du temps. Je crée certaines pièces qui ne peuvent être interprétées que d'une façon, comme Your Country Needs You. Mais d'autres images sont ouvertes à une certaine interprétation. Et oui, ça m'amuse de prendre des objets de tous les jours, des situations quotidiennes, de les combiner de façon abstraite pour que ça signifie autre chose. Mais c'était pas une stratégie, je faisais juste ce que je ressentais. Et heureusement, le groupe me laissait trouver les images. Par exemple, pour le nouvel album, je disais juste quel est le sujet principal du disque. Penis Envy, ça pourrait être la voix d'une femme. Alors moi, je faisais mes recherches, j'écoutais les paroles et je cherchais des illustrations. Je crois que le punk était un concept un peu fuyant, et tant mieux d'ailleurs. Gerard Evans. Avant l'avènement de Crass, il y avait plein de choses politiques. Mais il y avait encore toujours des choses politiques parallèlement aussi. Le punk n'a jamais existé hors contexte. Pour moi, Crass, ils ont vraiment fait changer, ils ont fait évoluer le punk avec le signe de paix. Il n'y avait jamais eu ça avant. Ils donnaient l'impression de véritablement connaître l'anarchie au lieu de l'utiliser comme une espèce de slogan agressif. Donc je ne dirais pas qu'ils ont politisé le punk, ça l'était déjà. Te balader dans la rue avec les cheveux roses, c'était courir le risque de t'en prendre une. Il y a toujours eu quand même un aspect politique de te balader dans la rue, les cheveux roses. Tu vas dans un pub, ils refusent de te servir juste parce que tu avais la tête que tu avais. Crass a vraiment formalisé tout ça, d'une certaine manière. Par exemple, tu prends d'autres groupes comme The Slits, qui symbolisaient tout ça. Ils symbolisaient toutes ces choses-là dont on parle, mais ils étaient moins directs, moins violents dans leur projection de tout ça, dans leurs chansons, dans leurs entretiens, dans leur manière de vivre. I want to bury my head in the clutch of society, pathetic parent that Pour moi, il ne s'agissait ni d'être à droite, ni d'être à gauche, ni d'être politique. Steve Ignorant. C'était juste d'essayer de prendre la responsabilité pour ma propre vie, respecter les autres et espérer qu'on me respecte aussi. C'était tout. Le problème de Crass au début, c'était que la gauche voulait nous récupérer, voulait qu'on soit un peu leur porte-parole, mais on ne voulait pas. Puis ensuite, la droite a voulu aussi qu'on soit un peu leur porte-parole, et puis on n'allait pas être à droite non plus. Donc finalement, notre issue, la seule issue, c'était de dire qu'on était anarchiste. Et puis bon, à l'époque, le problème, 77, 78, la plupart des gens, quand ils entendaient le mot anarchiste, ils pensaient à un barbu en train de balancer une bombe dans la rue. Donc notre réaction, c'était de mettre le signe de la paix. Donc ça a intéressé les gens. Et donc on a commencé à parler du CND, du mouvement pour le désarmement nucléaire. Donc on a intégré toutes sortes de choses. Et pour nous, tout ça faisait sens. Et c'est tout. C'était juste une façon de dire, moi, je suis moi. Toi, tu me dis que je suis comme ça? Non, moi, je me dis, moi, je suis moi. Il y avait plein de factions, il y avait les anarcho-pacifistes, les anarcho-syndicalistes. C'était tous des groupes de punk, hein. Ils étaient tous habillés en noir. Toutes sortes de groupes différents. Ben, Crass, il y a des gens qui disent que Crass a commencé le DIY, mais je sais pas. Non, mais pour moi, DIY, c'est bon, ne t'engage pas. Et nous, en tant que groupe, ce qu'on essayait de faire, c'était faire des choses qui coûtaient pas cher. On voulait que les gens sachent que c'était possible. Tout était noir, on faisait des étendards avec des draps, on les peignait à la main, on faisait tout nous-mêmes. Parce que ça coûtait moins cher. On fabriquait nos propres disques, on avait notre propre compagnie de disques parce qu'on ne voulait pas qu'un mec en costume, cravate, nous dise qu'on n'a pas le droit de mettre ça en couverture de notre album. Donc c'est un peu comme ce mot anarchiste. Moi, je ne me suis jamais vu comme anarcho-punk. Moi, j'étais juste punk. Et puis, personnellement, mes affinités politiques étaient plutôt, on va dire, anarchistes. We're looking for a better world. But what do we see? Poverty, hatred and misery. So much money spent on war when so many on this earth are so helplessly poor. The unelected president sits at his desk. Si on devait contextualiser Crass dans l'histoire du mouvement punk, comment le feriez-vous? Politiquement, Crass, avec Poison Girls, Matthew Wally, historien, a pris les aspects politiques de punk et a canalisé tout ça dans l'anarchie. Et donc l'anarchie n'était plus un slogan, ça devenait quelque chose de plus important, avec plus de profondeur. Et ça a mené à une approche de la politique beaucoup plus large, beaucoup plus diverse. Par exemple, le mouvement pour le désarmement nucléaire, aussi la grève des mineurs. Et tout ça a été associé à Crass. Et Crass a influencé le punk. C'est vachement facile de dire, les gens, ils essayent de mettre dans des catégories. À l'époque, les gens dans le public, on écoutait Crass, mais on écoutait aussi Cockney Rejects, Swell Maps. Ça faisait partie de la vie qu'on menait à l'époque. À l'époque, j'aurais pas vu ça comme ça. Et c'était une façon de critiquer culturellement, politiquement, la société. Donc les pionniers du punk ont essayé d'aller dans une direction, mais les médias essayaient de mettre des catégories, mais je crois qu'à la base, il n'y avait pas autant de différence entre les mouvements qui existaient à l'époque. Des chansons comme Big A, Little A, surtout. Toutes ces paroles, tous ces mots, c'est pas juste une chanson pop, refrain, couplet, refrain, c'est vraiment presque un manifeste. Il y a pas mal de chansons crasses comme ça. Ils ont mené des gens vers des idées nouvelles, des politiques underground. Mon copain Chris Lowe raconte que quand il a acheté Bloody Revolutions, il a écrit à chaque adresse sur l'album pour essayer de se renseigner, apprendre des choses sur l'anarchie. Et ça, c'est ce que faisait Crass. Il réussissait à pousser les gens à s'intéresser à de nouvelles façons de penser. Mais une politique qui n'est pas seulement à gauche, pas à droite, vraiment une politique de soi. La voix de Steve Ignorant était la plus colérique. Je n'avais jamais entendu autant d'intensité. Steve Ignorant, je n'avais jamais entendu quelqu'un aussi en colère. On aurait dit que chaque fois qu'il chantait, qu'il allait avoir un infarctus. On imaginait les veines protubérantes de sa tête. Il y avait tellement de colère. Ça allait mal en Angleterre. Le chômage. Ouais, d'ailleurs, le monde entier était sous la menace d'une guerre nucléaire. Et c'était vraiment quelque chose qui semblait imminent. Il y avait les Américains qui avaient leurs missiles sur les bases anglaises. Donc nous, du coup, on devenait les cibles. Et un peu comme dans les années 60, la baie des cochons, c'est une situation vraiment semblable. Je crois qu'on était tous en train de se dire, putain, on pourrait tous mourir demain, donc autant tout défoncer avant. Zilla Minx, chanteuse du groupe punk Rubella Ballet dès 1979 et réalisatrice du film documentaire culte She's a Punk Rocker UK. Au début, je suis allée à un concert de Crass en 79 et à ce concert, j'ai rencontré mon mari et il était SDF à l'époque. Alors c'était, je crois que c'était un des deux, trois premiers concerts de Crass. C'était vraiment le tout début des gens qui venaient au concert de Crass. Et qui les suivaient, c'était facile de parler au groupe à l'époque. Alors, mon mari les avait déjà rencontrés, leur parlait, Boys and Girls aussi. Il était SDF, il cherchait un endroit pour crêcher, alors on a traîné beaucoup avec eux. Au début, c'était un concert de Crass, et Crass disait qui c'est qui veut jouer. Et pas mal de gens qui sont avec le groupe maintenant se sont levés, ont commencé à jouer, Sid a commencé à faire de la batterie, un autre a fait de la guitare. C'était juste un mélange de gens qui faisaient plein de choses. Et à un concert un soir, on est tous allés dans le camion chercher Annie. On est allé arriver à la maison de Crass au bout de la route. Elle a décidé qu'elle n'irait pas au concert. Alors moi, je me suis dit, moi j'y vais. Et puis après, ils se sont dit qu'Annie avait quitté le groupe. Je suis devenue chanteuse, juste comme ça, dans le groupe. Et après, c'est moi qui participais au concert. Et j'étais une maman aussi. Je faisais des concerts avec Crass, avec Poison Girl. Et à cette époque, tout coulait comme ça, il n'y avait pas de problème, on allait de groupe en groupe. Mon mari, c'était le batteur de Rebella Ballet, et après Flux of Pink Indians as well. Les gens jouaient dans autant de groupes que possible, et on ne savait pas tous vraiment jouer. Moi, je n'avais jamais chanté dans un micro avant, c'était la première fois que je faisais ça. Alors bon, tu sais, on échangeait tous les rôles, on essayait tous des nouvelles choses, c'était pour s'éclater. On ne se disait pas, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est ma destinée future ce que je vais faire. On se disait juste, bon, ça a l'air marrant, donc je vais faire ça. On s'amusait, on ne faisait vraiment pas ça pour le fric. Les premières fois, on ne demandait même pas de fric, parce que pour commencer, on nous emmenait là-bas. On n'avait pas de matos, on était protégés par Crass, Poison Girls. À l'époque, on utilisait leur transport, leur matos. Nous, il fallait juste qu'on s'habille, qu'on y arrive et qu'on joue, qu'on y arrive sur scène, parce que les skinheads, ils avaient tendance à tout défoncer, donc des fois, on n'arrivait même pas à jouer. Et beaucoup de gens se sont trouvés avec le punk, avec l'expression de la musique. Et une autre chose, c'est que ça donnait un espace aux femmes. Les femmes étaient là, montaient sur scène, faisaient quelque chose. C'est ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait, et on s'en fout de ce que t'en penses. C'était un espace où on pouvait écrire nos paroles, dire nos choses, s'habiller comme on voulait s'habiller, on avait l'apparence qu'on voulait. Et une chose qui était bien, c'est que les mecs étaient d'accord. Et on a trouvé qu'il y avait des hommes qui se souciaient de ce qui nous arrivait, qui s'intéressaient aux femmes en tant qu'êtres humains, quelque chose d'intéressant. Ils s'intéressaient à nos opinions politiques. Un exemple, quand j'ai rencontré mon mari au concert de Crass, je le connaissais, c'était un punk, je l'avais déjà vu à des concerts, et on allait acheter des clopes. Et moi, j'ai demandé 20 Rothmans, et il m'a dit... Tu sais que c'est fait en Afrique du Sud et c'est un état où il y a l'apartheid. Et je me suis tout de suite dit, ah ben ça c'est le mec pour moi, il savait tout ça, il savait ce que c'était l'apartheid, il était comme moi. Et un mec normal allait pas m'apporter ça. Et je me suis rendu compte que beaucoup de punk femmes sont restées avec des punks en couple parce qu'il y avait vraiment une affinité là. Et mon mari, il s'habille comme moi, il aime bien mettre du maquillage pour sortir. Crass va permettre aux héritières de Janis Joplin et de Suzy Quatro d'exister pleinement dans ce mouvement. Avec Crass et le punk, les femmes prennent conscience qu'elles peuvent se battre à armes égales avec les hommes, écrit John Savage, journaliste rock britannique et biographe des Sex Pistols. C'est Eve Libertine qui était, je crois, un de nos premiers concerts de Crass à Londres, quelque part, je ne me souviens plus où. Steve Ignorant. Tout d'un coup, elle a bondi sur scène. Et elle a dit, mais où sont les femmes? Je crois qu'il y avait peut-être 20 femmes présentes et 100 hommes. Et du coup, c'est devenu un sujet de conversation. On en a parlé, on se dit, peut-être que le punk devrait s'ouvrir. Du coup, on a commencé à penser au sexisme. Et on s'est dit, ouais, et puis Eve a écrit une chanson qu'elle a chantée. Et puis on s'est dit, ouais, il faut absolument qu'on ait des femmes dans le groupe. Et puis dans la santé, et puis 5000. C'était vraiment un album avec ma voix en train de beugler. Puis l'album d'après, c'était Penis Envy, et tout le monde était complètement étonné parce que c'était assez sympa à écouter, des mélodies agréables, mais il n'y avait pas de Steve Ignorant. Et donc, du coup, on a explosé l'image qu'on avait. Montrer qu'on pouvait être ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de mode d'emploi pour le punk. Il fallait porter des vêtements noirs ou des pantalons avec des zips partout. Tu peux être absolument ce que tu veux du moment que tu avais la bonne attitude. Et avec Eve et Joy, avec nos chanteuses dans le groupe, il y a d'autres groupes aussi qui ont commencé à y penser. Donc tu avais des jeunes garçons, c'est incroyable quand ils pensent, des gamins de 15-16 ans qui essayaient désespérément d'écrire des paroles qui n'étaient pas sexistes, échouant lamentablement. Mais bon, ils étaient jeunes et puis ils essayaient, surtout. Puis il y avait des groupes comme Hagar the Womb et Ruth, elle avait 15 ans. Elle partait en tournée et son approche du punk était celle d'une gamine de 15 ans, évoquant des problèmes de femmes. Essaye d'imaginer une gamine de 15 ans faisant ça aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, il y avait Zilla, du groupe Rubella Ballet, qui avait une autre approche. Et puis, magnifique Vice Versa, à l'époque, c'était une mère célibataire de 42 ans. Et dans ses chansons, elle évoquait des problèmes que ma mère avait sans doute traversés. C'était formidable, c'était quelque chose de totalement... C'est quelque chose dont on parle très très peu. Showing off because we like showing off. Karen Hamsden et Ruth Dole, membres du groupe Hagar the Wound. On était la première génération d'anarcho-punk. On a commencé au début des années 80. On n'avait même pas encore inventé les Riot Girls. Moi, j'adore ce qu'elles font, mais je suis beaucoup plus âgée. Qu'est-ce que vous voulez dire par anarcho-punk ? Parce que je pensais au contraire, moi, que le mouvement anarcho-punk était né au début des années 80. Ça, c'est vrai. Ça s'est formé autour de groupes comme Crass. Et il y avait plein d'autres groupes qui ont tous commencé à la même époque. Il y avait une salle à Londres qui s'appelait The Anarchy Center. Et beaucoup de groupes et plein de gens comme nous, des jeunes ados, sont allés voir des groupes comme Crass. Et on s'est dit, bon, ben, si eux, ils y arrivent, nous aussi, on peut monter sur scène. Et ça, c'était longtemps avant les Riot Girls. Les Riot Girls, c'était plus à la mode et plus glamour que nous, ce qu'on faisait. On n'était pas vraiment focalisé sur les femmes en tant que telles, contrairement aux Riot Girls. Ça, c'est une grande différence. On se recentrait sur des causes politiques et des histoires comme le désarmement nucléaire, des choses comme ça. Et c'est ça qui nous distinguait des premiers punks des années 70. La première vague de punk a tous fini par signer chez des majors et pour nous, c'était une déception. C'est devenu comme n'importe quel groupe vendu au capital. Nous, on était différents, si je puis dire. Nous, on a juste décidé qu'on voulait y aller. On s'est rencontrés et on s'est rendu compte qu'il y avait un espace comme ça et on s'est dit, bon, on s'en fiche, on va former un groupe. Et on voulait être un groupe avec que des femmes, mais on ne trouvait pas assez de femmes. Donc, c'est à regret qu'on a accepté quelques hommes. Donc, on a formé et on a fait notre propre concert au bout de 2 semaines. Et c'était juste l'idée que tout le monde peut le faire, tout le monde peut se lever, tout le monde peut jouer. Et on savait bien qu'il y avait moins de femmes que d'hommes, mais on s'est dit, bah, c'est une raison encore meilleure pour y aller, pour le faire. Il y a moins de femmes, pourquoi pas rétablir la balance. Mais on voulait aussi impressionner les mecs, il faut le dire. C'était l'autre raison pour laquelle on était dans un groupe. Des fois, on avait le béguin pour un des hommes dans un groupe. C'est ce qu'on fait quand on est ado. C'était dans l'esprit de l'époque. C'était acceptable. Même si on ne savait pas jouer, même si on ne savait pas ce que c'était la musique, c'était dans l'ambiance de l'époque. Et je crois que c'était un moment aussi très en colère. C'était même assez glauque quand on regarde les documentaires sur Thatcher, le taux de chômage qui était généralisé. C'était un pays très misérable, très en colère. Quand on n'était pas dans les groupes, on participait aux manifs. Il y avait beaucoup de colère et la musique nous permettait de nous défouler parce qu'il y avait beaucoup de frustration à l'époque. On se sentait très marginalisé, on n'avait pas grand-chose à faire. Bon, aujourd'hui, les choses sont bien pires et maintenant, je regarde mes enfants et j'ai pitié pour mes ados parce que c'est vraiment pire maintenant. Gérard Evans, pourquoi Crass décide un jour de se séparer ? C'était une curieuse décision à prendre. Parce que vraiment, ils se battaient pour des choses qui en valaient la peine. Il y a une vraie trajectoire aussi dans leur attitude, on va dire. Les premiers disques sont formidables, je trouve, parce qu'ils sont très libres. On sent bien qu'ils écrivent des trucs, ils s'éclatent, bon, ils sont en colère, mais on sent vraiment qu'ils font partie du mouvement punk. Et puis après, ils deviennent célèbres, ils se rendent compte qu'ils ont une grande influence. Et la sortie de Penis Envy, c'était vraiment un album formidable. Mais en même temps, on entendait qu'ils étaient vraiment conscients de ce qu'ils étaient en train de faire, qu'ils jouaient pour un public et qu'ils se posaient la question, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, il y a la guerre des Malouines. Et puis toutes ces idées formidables qu'ils avaient sur l'avenir, un avenir brillant, tout a vraiment changé, à leurs yeux en tout cas. Et donc c'est là où ils ont enregistré Christ the Album, et tout change là. Bon, je crois que beaucoup a été écrit là-dessus. Mais quand ils arrivent à Yes Sir, I Will, alors là, ils sont vraiment désespérés, ils sont vraiment au fond du trou. On est tous en train de perdre, nous on perd et tout le monde perd, au lieu de gagner. Et pour moi, les mineurs étaient les seuls qui auraient pu vraiment faire tomber Thatcher. Il y aurait vraiment une guerre civile, c'était 83, 84, et quand j'ai vu que ça allait pas se produire, je savais pas quoi faire. Et donc dans le contexte un peu plus large de la société du Royaume-Uni, c'est là où Thatcher est vraiment devenue très, très, très puissante, et puis vraiment, c'était une période très, très sombre. Et je crois que vraiment les membres du groupe étaient juste crevés, quoi. Ils ont décidé de rester à Dial House et faire du pain, essayer de reconnecter avec le côté humain qui avait vraiment été érodé, on va dire, par toute cette rhétorique et toutes ces bagarres. Pour commencer, Andy Palmer a décidé qu'il voulait, partir. On avait joué un concert pour les mineurs au Pays de Galles, et puis Andy a dit, bon, mais je m'en vais. Et puis d'abord, on a dit, non, ne fais pas. Et puis au début, puis ensuite, une demi-heure plus tard, je sais pas si c'est moi ou si c'est Yves Libertine qui a dit, bon, moi aussi, hein, j'en ai marre. Ben, je crois que si ça n'avait pas été Andy, quelqu'un d'autre aurait fait pareil. Ça faisait 7 ans à donf. Ça ne s'améliorait pas. On avait traversé la guerre des Malouines, Stonehenge, la grève des mineurs. C'était de pire en pire. On avait encore 5 ans de gouvernement de droite. Et je crois que on avait la sensation d'avoir échoué, tout simplement. Et moi, je me rappelle m'être dit, bon, on allait au concert et tout ça, mais quand on était seul, on ne souriait jamais. Quand on était entre nous, on se chamaillait, on s'engueulait, on était enfermés, on était vraiment, c'était très sombre et on ne voyait pas la lumière, on ne voyait pas la lueur, on ne regardait pas la télé pour s'amuser, mais pour voir la dernière tragédie en Irlande du Nord, grève de la faim. Je crois que on n'en pouvait plus, on était cramés. Si on avait continué, ça aurait été de pire en pire, la musique aurait été dégueulasse, on aurait fait des trucs un peu à l'avant-garde, un peu ni ici ni là, un peu tiré par les cheveux, alambiqué. C'était important pour nous d'arrêter, c'était vraiment bête, c'était devenu bête ce qu'on faisait. Je sais pas, on serait peut-être devenu terroriste, ou enfin des trucs vraiment cons, quoi. Je me rappelle m'être demandé, est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on a commencé ce groupe Crass? Maintenant, on est comme un parti politique, on s'amuse pas. Mais qu'est-ce qu'on fout là si la musique est pas bonne? Ben, qu'est-ce qu'on fait après? On se met à péter les vitrines des boucheries, et puis ensuite, bon, tu commences à attaquer les banques. C'était pas ça l'idée du punk. Punk, Génération Nos Futurs, Crass, Retour aux Fondamentaux. Avec Gerard Evans, Steve Ignorant, G. Voucher, Penny Rimbo, Ruth Dole, Zilla Minks, Karen Hamsden et Matthew Worley. Archivina, Sophie Enoch. Traduction Philippe Aronson et Claire Simon. Avec la voix de Laura Benson. Prise de son Alain Joubert. Mixage Pierre Henry. Réalisation Assia Khalid. Coordination Perrine Kervran et Marivonne Abolivier. Un documentaire d'Alain Lefkovitch pour la série Documentaire. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter à la ferme punk, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, Quepon Made in France.